chaîne de métal enchaîne l'animal au maître, ou bien le maître à l'animal. Étrange lien qui lie les êtres. Ce lien d'acier, toi l'animal, crois-tu qu'il fait de moi le maître? Quand on s'assied au tribunal, où tu m'invites à comparaître, lequel de nous tient la laisse? De quel côté du collier? Ah, ah, ah, crois-tu toi qu'est la sagesse? De quel côté de la laisse? Un jour tu me délaisses, lassé de mon amitié, tu peux bien garder la laisse. Si vraiment tu me délaisses, faut-il un lien pour nous lier? Pardonne-moi, toi l'animal, quand ton regard recherche le mien et n'y trouve que le profond des dalles du genre des soi-disant humains. De quel côté de la laisse? Si un jour tu me délaisses, lassé de mon amitié, tu peux bien garder la laisse. Si vraiment tu me délaisses, distance.